On dit, Vago, parcours ondoyant à travers la littérature, les arts et la culture. Un programme conçu et présenté par Max Ponce avec la collaboration de Daniela Terril et Pietro Pedone, mixage Alessandro Gianotti, production du Club du Livre de Bruxelles et Poésie à Total et de Turin. Info, ondivago.blogspot.com, email ondivagoradio@gmail.com. Cette séquence d'Ondivago sera animée en français en présence d'Anna-Raphaëlle Farao, auteur de Récits pour l'enfance en bilingue, dont La planète bleue myosotis, de laquelle nous avons déjà parlé dans un de nos programmes. Le thème d'aujourd'hui est la francophonie, et plus précisément la francophonie en Italie. La question est la suivante. La langue française occupe-t-elle un rôle central dans la culture italienne? Je pense qu'elle occupe en effet un rôle important, mais désormais secondaire, surtout destiné à une minorité d'élitistes et aux puristes. Elle est très présente dans la région bilingue du Val d'Aoste et en Piémont, mais pour des raisons géographiques et historiques, spécifiquement. Voilà. Mais quel est l'intérêt d'apprendre le français alors que des grandes puissances comme la Chine ou l'Inde gagnent du terrain avec des millions de locuteurs? Eh bien, étudier le français peut être utile, car c'est une des langues les plus parlées dans le monde. Au Canada, par exemple, en Belgique, en Suisse, mais encore sur le territoire africain, qui a donné naissance à de grands auteurs comme Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Nimrod, Alain Mabankou et tant d'autres. C'est surtout la langue littéraire de l'Occident. Elle peut encore avoir un rôle dans la croissance culturelle de tous les pays, à mon avis. En Italie, le français a progressivement disparu, ce qui est bien dommage. Dans les écoles, à partir des années 70, devenir en un premier temps la deuxième langue, étudier pour donner place à la culture anglophone. La culture anglophone a-t-elle gagné? Et qui en est responsable? On ne sait pas quel sera le futur des langues. Une chose est certaine, et que nous allons vers des civilisations multiculturelles. La faute n'incombe à personne. Oui, si l'on désire que quelque chose survive, il faut chercher des nouvelles initiatives, comme par exemple des livres bilingues, que peu veulent éditer malheureusement. Des films en version originale, les textes de chansons, des jeux pour les tout jeunes enfants. Il faut rendre les institutions plus dynamiques, à mon avis, et développer davantage les centres culturels dans divers pays. Produire Ondivago en français à Turin est une chose évidente. Étant donné que la langue de Voltaire était la forme d'expression de la cour de Savoie, ainsi que des autres cours d'Europe. Au Piémont, sous le règne de Napoléon Ier, est né un département de la France métropolitaine, qui s'appelait dedans le département de Pau, malgré les hostilités franco-piémontaises. Ondivago vous présente maintenant l'interview qui a fait à Hilaire Multon, délégué culturel à Turin de l'ambassade de France. Concorde. Attention à la marche en descendant du train. On pourrait parler un petit peu, parce que c'est un thème un peu plus grand de la francophonie en Italie. Donc, et de bilinguisme aussi, parce que ce sont des gros arguments qui sont toujours intéressants. Alors, il y a des points positifs. Par exemple, il y a quelques mois, quelques semaines plutôt, l'université de Turin, où nous sommes, en Piémont, a adhéré à l'agence universitaire de la francophonie. C'est la deuxième université d'Italie qui fait cette procédure. C'est à Aoste, bien sûr, qui est par excellence une zone particulière, une région autonome fondée sur le bilinguisme français-italien. Et donc que l'université de Turin, importante université, 75 000 étudiants avec toutes les disciplines, ait adhérer à ce réseau fondamental de l'Agence universitaire de la francophonie, avec en ouverture l'accueil par le président de l'Agence universitaire de la francophonie. C'est à peu près 3000 universités dans le monde, un réseau considérable en Afrique, en Amérique latine, en Asie. C'est un signal fort de l'intérêt, au moins de la diversité linguistique et culturelle. On sait qu'en Italie, la situation est extrêmement fragilisée par des normes scolaires qui ont fait qu'on tend vers un monolinguisme jusqu'au lycée et qu'il y a un risque pour l'apprentissage de la seconde langue, quelle qu'elle soit, une langue européenne, l'espagnol, l'allemand, le français. Là, on est dans une zone, le Piémont, qui est une zone frontalière, où le français est extrêmement puissant. Aujourd'hui, on est dans une phase où les jeunes Italiens apprennent de moins en moins une seconde langue, et notamment le français. Et donc, c'est tout le défi qui doit être relevé. On a des instruments pour cela. Une alliance française a été créée à Turin. On apprend le français. Il y a un lycée français. Il y a 3 lycées français en Italie. Il y en a un à Rome, le lycée Chateaubriand, le lycée Stendhal à Milan, le lycée Jean Giono à Turin. C'est tout à fait fondamental parce que ça crée des souvenirs, des mémoires. Mais c'est une élite qui est touchée. Il faut toucher le jeune public. C'est une élite. C'est ça. Et au-delà de l'élite, l'enjeu, c'est aujourd'hui d'aller vers la culture jeune, vers la culture également en tant que forme de spectacle. Je pense à des formes d'accès à la langue qui peuvent être le slam, qui peuvent être la poésie, qui touchent le jeune public et qui peuvent aller retrouver ce lien qu'il y a eu dans la culture, dans les coproductions, dans le domaine du cinéma, dans les traductions. Il y a une fragilité des langues européennes aujourd'hui dans l'Italie contemporaine. Ça, c'est incontestable. Et ce n'est pas un espace naturel pour la francophonie. Il y a des liens historiques qui se sont créés. Des générations ont vécu avec le français, avec l'amour de la langue française, par le livre, par le cinéma, les grandes copies. Par la musique. Par la musique. Il n'y a plus tellement de chanteurs français écoutés en Italie. Alors, j'avais des chanteurs français écoutés dans les années 70, voilà. Mais alors, après, la grande difficulté, elle est laquelle ? Alors, on va essayer d'y remédier avec un projet de l'ambassade. On a un festival de musique qui a été créé il y a 4 ans qui s'appelle Suona Francese. Ça a été une invention, une création avec le lien de Culture France, qui est notre opérateur culturel à l'international, à New York, qui s'appelait Sound French. On s'est inspiré de ça. On l'a créé sur la musique contemporaine en 2008, sur la musique baroque en 2009, et cette année sur la musique romantique, en lien avec la Fondation Bruzzane, qui a été créée par Nicole Bru, une mécène, pour développer le répertoire romantique, qui est un peu méconnu jusqu'à Gounod et Berlioz. L'année prochaine, on revient aux musiques actuelles. Et on voudrait développer une saison française de musique et des jeunes compositeurs, des jeunes talents de la chanson française. Et ils sont nombreux, ils sont très connus en France. Amélie Simon, il y a Grand Corps Malade, Abdel Malik. Au-delà de Demain, il y a aussi la chanson néo-réaliste. Donc Claire Diterzi, M dans la version plus rock. Il y a une vraie scène française et qui n'est pas diffusée ou avec difficulté en Europe. Pourquoi en Italie ? Parce que les radios et les majors ont programme où les blockbusters et les grands domaines de la chanson internationale et de la variété de la pop internationale, ou la chanson italienne. Et c'est très difficile de programmer. Abdel Malik, il est venu une fois en Italie, où est-il venu ? À Aoste. Donc c'est révélateur d'une difficulté à programmer une chanson française de qualité, qui a un fort corpus de textes, qui va sur des versions qui sont le jazz, qui sont les musiques actuelles, parce que, évidemment, il y a un très fort protectionnisme culturel dans les programmations, notamment des radios. On n'entend pas la chanson européenne, si ce n'est quand elle est très versée dans une pop sucrée, anglo-saxonne. Bon, bah, les Tokyo Hotel, ils sont allemands, mais ils font de la pop internationale. Hein. Donc il y a une vraie difficulté. Alors, on peut la contourner. On va essayer de faire cette saison l'année prochaine, en 2011. On va essayer de travailler sur ça. Et il y a d'autres formes, évidemment, du contemporain qui sont plus accessibles. Ça pourrait être le slam ou les musiques électro, évidemment. Mais c'est une vraie difficulté de la chanson française. Il y a une réflexion qui est faite, notamment par les instituts de pédagogie, pour travailler sur la chanson. Le Bureau Export nous aide un peu sur ça. Hein. Les alliances françaises également travaillent sur ces nouvelles formes d'accès à la langue que peuvent être la chanson, qui touche un public plus jeune. Vous avez fait des traductions, vous êtes en train de faire des traductions de poésie. Oui, mais voilà, ça c'est intéressant. Dans la revue de Zeta, qui est une revue de Houdiné, qui est une revue de poésie et de poésie visuelle, qui s'intéresse aux arts visuels, on a fait des traductions de plusieurs jeunes poètes français qui ont publié dans des revues, notamment chez l'éditeur Hommage. Et Guillaume Métayer est un jeune normalien, qui a fait des études de littérature, qui a travaillé sur Voltaire, sur Nietzsche, et qui publie des poésies et traduit des poésies du hongrois au français. C'est un des rares français qui parle hongrois, une langue extrêmement rare en Europe. Et donc, en 2002, il a édité Fugue, qui parle de Paris, qui, comme le mot l'indique, montre le lien entre la poésie et la musique. C'est les fugues de Bach, mais c'est aussi les fugues dans la ville pour se retrouver et se perdre également. Et donc, dans la revue qui est publiée à Udine, par l'éditeur Campanotto, nous avons publié plusieurs de ses poésies en français. Et à terme, nous publierons un certain nombre d'autres poésies en italien. Donc, c'est un travail des travaux de traduction. Voilà. Ce sont des travaux de traduction du français à l'italien. C'est des marchés importants aujourd'hui. Hein. La plupart des livres à succès qui sont publiés en Italie sont traduits en France par les grandes maisons d'édition. Et il y a un marché qui est très important. On est aujourd'hui dans le deuxième partenaire commercial. Nous venons d'écouter M. Hilaire Multon. Ici est présente Anna Raffaella Farao, qui est bilingue. Peux-tu nous parler de ton propre cas dans le monde du bilinguisme? Oui, certainement. Je suis bilingue grâce à ma famille italienne qui s'est installée dans la région parisienne alors que je n'avais pas encore l'usage de la parole. J'ai donc eu le privilège d'apprendre les deux langues simultanément sans effort. C'est le meilleur enseignement d'après moi qui soit au niveau linguistique. C'est l'idéal car ce n'est pas une contrainte mais une découverte naturelle plutôt. Des expressions orales. Il n'y a pas d'effort de mémoire à produire, ni d'heures de traduction à accomplir. C'est un apprentissage ludique. Ondivago vous rapporte l'expérience d'une francophone qui s'est installée en Italie, Florence Faval, qui a créé à Venise une maison d'édition que nous allons entendre maintenant. Champs-Élysées, Clémenceau. Alors, la maison d'édition est née il y a 10 ans, en 2000. Elle a été créée par Pierre Ornain et moi-même. Et actuellement, depuis, il y a 3 ans, Pierre Ornain est décédé. Mais donc, on a créé cette maison d'édition ensemble en 2000. On est tous les deux à l'origine artistes. Pierre était artiste graveur et poète, et moi je suis à l'origine sculpteur et graveur. Et nous avons fait, avant de créer la maison d'édition, une série de livres d'artistes dans lesquels il y a des gravures que j'ai fait moi, et des textes, des poésies souvent en français de Pierre. Ce sont des livres qui sont faits entièrement en gravure, imprimés à la main, avec des textes imprimés avec les caractères de typographie en plomb, et qui sont des tirages très limités de 20 exemplaires. Donc après cette expérience en 2000, on a eu l'idée et l'envie de créer cette maison d'édition pour faire des livres qui soient plus des livres pour enfants, avec des tirages évidemment aussi un peu plus grands. Oui. Et tout en gardant quand même, disons, quelque chose de l'origine, de la gravure. Donc on a des livres, je ne sais pas lesquels vous avez vus, mais on a certains de nos livres qui ont des parties qui sont faites à la main, comme les pochettes, les couvertures, ou bien qui ont des interventions manuelles. Oui, en effet, moi j'ai trouvé vos livres dans les musées, donc ce sont des livres qui ont un certain lien avec les lieux artistiques. Mm-hmm. Et donc, ce sont très intéressants. Et quel est votre dernier livre, le livre à lequel vous avez travaillé Donc, le dernier que j'ai publié donc, en décembre, c'est le livre qui s'appelle Il Fiume, qui existe seulement en italien. Et c'est un livre pour lequel j'ai écrit moi-même le texte et qui a des images qui sont tirées, qui ont, disons, inspiré et reprises de certaines gravures de Pierre, qui étaient des très grandes gravures sur bois très grandes en blanc et en noir et blanc, qui représentaient des fleuves. Donc j'ai repris certaines parties de ces images que j'ai retouchées parfois à l'aquarelle ou refaites dans différentes techniques et que j'ai montées et ensemble avec le texte. Vous êtes comme maison d'édition à Venise, donc c'est une expérience un peu particulière parce que c'est une maison d'édition qui est à moitié francophone et qui est à Venise, donc c'est intéressant aussi pour nous. Et pourquoi Venise? Alors, c'est un peu particulier de faire une maison d'édition dans un pays étranger, dans un pays qui n'est pas dans notre langue, mais en fait, ça s'est fait comme ça parce qu'on était à Venise, parce qu'on est à Venise, donc on habitait déjà à Venise depuis 10 ans, et c'est là qu'est venue l'idée, c'est là qu'est venu le travail, et donc ça a été tout naturel de la créer à Venise. La maison d'édition s'appelle Édition du Dromédaire, et le dromédaire, c'est un animal, et quelle raison il y a dans ce choix que vous avez fait? Alors, quand on a eu cette idée de faire une maison d'édition, on a cherché un nom, évidemment, et on a choisi ce nom-là à la fin parce que c'est donc un animal, c'est le dromadaire, et c'était un petit rappel au fait que j'ai grandi au Maroc, donc c'était un rappel à ce pays qui est un pays que j'aime beaucoup. Et puis d'autre part, c'était aussi le choix d'un animal résistant, et on a pensé quand on a créé la maison d'édition que ça pouvait être une bonne chose relativement au travail d'éditeur qui est assez difficile et dans lequel il est juste persévéré pour arriver à quelque chose. Voilà. Et donc, quel type de réponse vous avez de vos lecteurs en Italie ou... Je dois dire que c'est assez particulier, donc particulier, donc. Mais je dois dire que on a une assez bonne réponse. On est très petit, donc c'est clair qu'on est relativement visible. Mais maintenant, ça fait quand même 10 ans, comme je vous disais, qu'on fait ce travail. Et je dois dire qu'on a un petit public qui nous suit, même des gens qui collectionnent nos livres. Et puis, depuis pas très longtemps, depuis le mois de décembre, j'ai ouvert aussi un espace à Venise même. Oui. Un espace ouvert au public où j'ai l'atelier, etc., pour travailler, mais aussi un point vente, un point galerie où les gens peuvent venir et regarder les livres. Et c'est vrai que on a une bonne réponse. Ça reste toujours relatif à notre grandeur, mais disons que c'est parfois aussi un regard un peu surpris sur nos livres, disons. Oui. Alors, en conclusion, je dirais que ceci est la démonstration de l'importance des langues en général et que savoir s'exprimer dans un idiome autre que sa langue maternelle est une grande liberté, une satisfaction et surtout un passeport pour l'univers. Les sons qui vont être émis sur les ondes, maintenant, ont été enregistrés dans le métro parisien. Je vous salue et à bientôt pour la prochaine séquence d'Ondivago. Oui, mais avant, nous vous laissons le plaisir d'écouter un passage du Candide de Voltaire. Alors, bonne écoute à tous les auditeurs. Merci et à bientôt. Chapitre 1er de Candide ou l'optimisme de Voltaire. Enregistré pour LibriVox.org par Bernard. Comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé d'y celui. Il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le baron de Thunder-ten-Tronck, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de Monsieur le Baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses cours composaient une meute dans le besoin. Ses palefreniers étaient ses piqueurs. Le vicaire du village était son grand aumônier. Ils l'appelaient tous « Monseigneur » et ils riaient quand il faisait des comptes. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss, note, de M. Beuchot, de Pan, tout, et Glossa, langue, fin de la note, était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le Baron était le plus beau des châteaux et Madame la meilleure des baronnes possibles. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire des châteaux. Aussi Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment. Car il trouvait Mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prît jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thunder Ten Tronk, le second degré de bonheur était d'être Mademoiselle Cunégonde, le troisième de la voir tous les jours, et le quatrième, d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune très jolie et très docile. Comme Mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de disposition pour les sciences, elle observa sans souffler les expériences réitérées dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna tout agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne. Elle rencontra Candide en revenant au château et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée, et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir, Candide le ramassa. Elle lui prit innocemment la main. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. Monsieur le baron de Thunder Ten Tronk passa auprès du paravent. et voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit. Elle fut souffletée par madame la baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même. Et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. Fin du premier chapitre. Cet enregistrement fait partie du domaine public.